L'histoire est étrange et sulfureuse. Et par bien des aspects, elle rappelle l'affaire Jean Moulin. Ne serait-ce que parce qu'elle commence à Lyon, pendant la guerre, et qu'on y retrouve le sinistre Klaus Barbie. Une affaire de résistance et de trahison, donc. Mais une affaire encore plus ténébreuse que l'affaire Jean Moulin, et qui a eu des conséquences importantes sur l'histoire du Parti communiste français. J'ajoute que les services secrets y ont aussi joué un rôle obscur. Et c'est naturellement pourquoi M. X a choisi d'ouvrir pour moi ce dossier. Mais au cœur de cette histoire, il y a aussi l'existence d'un mystérieux réseau d'espionnage, le service B. Organe de renseignement des résistants communistes, les francs-tireurs et partisans, ce service B, dont une partie des secrets a été révélée en 1985 par les journalistes Roger Faligaud et Rémi Koffer, a été l'une des pièces maîtresses de l'espionnage soviétique pendant la guerre. Parallèlement au célèbre Orchestre Rouge ou encore au réseau soviétique jumeau implanté en Suisse, ce service secret était non seulement en relation avec Moscou, mais coopérait aussi à l'occasion avec Londres et l'OSS américain, regroupant des militants dévoués et courageux, recrutés dans toutes les couches de la population. Le service B a pris une part éminente dans la lutte contre l'occupant. Mais il a été également précipité dans les luttes intestines du mouvement communiste international et les règlements de compte, inspirés par Staline, qui désirait par-dessus tout préserver les secrets d'une politique particulièrement machiavélique. Ainsi furent sciemment sacrifiés, avant et après la libération, des hommes et des femmes remarquables. Lyon, on l'a souvent dit, c'était la capitale de la résistance. Oui, c'est là aussi où Jean Moulin a été capturé à la suite d'une trahison. C'est vrai, il a été arrêté par les hommes de Klaus Barbie un an avant les événements dont je voudrais vous parler. Alors là, donc, nous sommes en 1944, donc. En mai 1944, exactement. À Lyon, les FTP disposent d'une organisation très structurée et très efficace. À sa tête, il y a ce qu'on appelle le CMZ. CMZ. Oui, autrement dit, le comité militaire de la zone sud. Et à côté, il existe une branche du service de renseignement des FTP, le service B. C'est un architecte, Boris Guimpel, qui le dirige. Ce service B est assez mal connu, non? Oui, vous avez tout à fait raison. Il est communiste parce que c'était essentiellement un réseau communiste, ne lui ont guère donné de publicité. Mais pourquoi? Enfin, après-guerre, je veux dire. Parce que ce service B a travaillé directement et principalement pour Moscou. Après la guerre, ses agents, comme ceux de l'Orchestre Rouge d'ailleurs, pouvaient donc être considérés comme des espions. Oui, mais c'était d'abord des résistants. Oui, je suis d'accord, mais enfin des résistants authentiques même. N'empêche que très vite, ils sont devenus suspects, et certains ont même eu des ennuis sérieux. Enfin, ça c'est une autre histoire. Puis si vous voulez bien, revenons à ce mois de mai 1944. Mmh. Soudain, une vague d'arrestations décime le CMZ. Mmh. Il y a eu trahison ? À l'évidence, oui. Car entre le 13 et le 15 mai, Barbie et ses sbires arrêtent la presque totalité de l'état-major interrégional des FTP. Barbie disposait donc de renseignements très très sûrs. Ouais, au lieu de la presque totalité, donc quelques-uns ont quand même pu en réchapper. Oui, mais enfin très peu. Mais Guimpel, dont je vous ai parlé, a fait partie de cela, grâce au courage extraordinaire de sa femme. Racontez. Des miliciens et deux hommes de la Gestapo se présentent un matin au domicile de Guimpel à Lyon. C'est sa femme qui ouvre. Elle est seule. J'ajoute qu'elle est enceinte. Mais est-ce qu'elle est au courant des activités clandestines de son mari? Bien évidemment, parce qu'elle est elle-même une résistante. Donc, quand elle voit arriver ces types, elle comprend tout de suite. Bien sûr, et lorsque les miliciens commencent à l'interroger, elle dit que son mari est parti en voyage. C'est tout. Elle est brutalisée? Non, pas encore. Mais les types décident de s'installer chez elle sous la menace de leur arme et d'attendre Boris Guimpel. Ouais, donc ils montent une souricière. Oui. Et soudain, maintenant, Guimpel entend un pas dans l'escalier. Puis on introduit une clé dans la serrure de la porte d'entrée, alors la jeune femme hurle « Boris, sauve-toi !» Et c'est ce que fait Guimpel? Bien sûr, il dévale l'escalier, enfin là où les miliciens ont ouvert. Du palier, il tire sur le fuyard, mais Guimpel, bien que blessé, parvient à s'échapper, grâce au courage de sa femme. Ouais. Et celle-ci, que devient-elle? Elle ne se fait aucune illusion sur son sort. Elle est arrêtée, torturée, puis elle est déportée. Mais elle parviendra heureusement à s'en sortir et à retrouver son époux à la fin de la guerre. Ouais, belle histoire. Oui, belle histoire d'amour et de résistance. Bon, revenons à ce que vous disiez précédemment. Hein. Il y a eu trahison. On sait qui était le traître? Très rapidement, chez la FTP, on a des doutes. Et on soupçonne un homme du CMZ, l'adjoint du comité technique. Et qui est celui-là? Son pseudonyme, c'est Boulanger. d'un Alsacien né en Allemagne, de père français et de mère allemande. Mais c'est pour cette raison qu'on le soupçonne ? Non, je vais vous expliquer. Ce qu'on sait alors dans l'appareil de FTP, c'est que ce boulanger est un militant expérimenté, sans doute un type du Comintern. Ouais, le Comintern, c'est l'organisation quasi clandestine à des partis communistes. Ouais, ouais, enfin, ce qui a étonné plus d'un résistant, c'est que ce type a été introduit d'emblée au plus haut niveau de l'appareil FTP. Il était donc pistonné en quelque sorte. C'est ça, oui. C'est l'un des principaux dirigeants du service B, Georges Beyer, qui l'avait placé là. Conclusion, c'était donc un homme de confiance, parce qu'on n'entrait pas à un poste pareil sans avoir été testé et longuement interrogé. Pourtant, c'est sûr cet homme-là que vont porter les soupçons après la rafle opérée par Barbie. Oui, d'abord parce que lui n'a pas été arrêté. Et ensuite parce qu'il disparaît assez rapidement. Je vous raconterai plus tard d'ailleurs dans quelles étranges circonstances on va le retrouver, mais bien plus tard. Après la guerre, non ? Oui, mais en mai 1944, les événements vont vite. Et le temps n'est pas encore venu d'enquêter sur ces affaires de trahison. Quant aux rescapés, ils se mettent au vert, essayent de reconstituer les filières, leurs réseaux, enfin... Bientôt, ils vont être tous lancés dans les opérations armées qui vont accompagner la libération. Et si je comprends bien, on oublie un peu ce boulanger. Tout à fait, enfin au moins jusqu'en 1945. Mais alors, que se passe-t-il alors ? Ben, un dirigeant communiste important, André Marty. Marty, le célèbre mutin de la mer Noire. Oui, lui-même. Oui. Marty, donc, qui est membre du bureau politique, décide de s'intéresser aux conditions dans lesquelles le CMZ a été décapité. Mais est-ce qu'il a une raison particulière, Marty, de s'intéresser à ça ? Écoutez, ça, je ne le sais pas exactement, mais il n'est pas interdit de penser que Marty, qui nourrit de très hautes ambitions, veut peut-être se constituer des munitions. Ah, mais des munitions. Contre qui alors ? Contre la direction du parti, par exemple, ou certains dirigeants. Il s'est passé beaucoup de choses pendant la guerre, entre autres des liquidations de militants. Et ce n'était pas toujours des traîtres qu'on a abattus. Alors, Marty, lui, veut y voir plus clair. Oui, ça lui coûtera cher. À lui et à tous ceux qui vont s'intéresser à cette affaire. Mais pourquoi ? Attendez, n'allons pas trop vite. Hein. Tout naturellement, l'ancien mutin de la mer Noire s'adresse à Georges Beyer, l'homme qui était à l'origine de l'ascension fulgurante de Boulanger au sein des FTP. Beyer, on le rappelle, qui était l'un des chefs du service B. Hein. Oui. Alors, que fait ce Beyer ? À partir de là, nous allons de mystère en mystère. Ouais, mais expliquez quand même. Beyer, qui est un cadre du PCF, Parti communiste, mais aussi un haut fonctionnaire du ministère de la Guerre et par ailleurs beau-frère de Charles Tillon. Tillon, qui était le chef des FTP et puis qui va devenir ministre communiste du général de Gaulle. Ministre de l'air, oui. Donc Beyer convoque à son tour l'un des anciens dirigeants du service B, un certain André Tellery. Et lui demande de se rendre dans une caserne française située dans la région de Constance. Là, il y trouvera Boulanger. Beyer, c'est donc où se dissimule Boulanger. Exactement. Étrange, non ? Attendez, vous m'avez dit que ce Beyer était un fonctionnaire du ministère de la Guerre. C'est sans doute là qu'il a appris sur Boulanger, non ? Peut-être, mais enfin, vous comprenez ça, ce que ça peut signifier. Je vous écoute, alors. Cet ancien chef de service de renseignement des FTP, ce cadre du Parti communiste, savait où se dissimulait un traître qui avait peut-être été à l'origine du démantèlement du CMZ. Et sans la curiosité de Marty, il n'aurait pas bougé. Attendez, vous l'accusez de complicité, là ? Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que je suis sûr que dans les hautes instances du parti, on savait. Et si Beyer n'a pas agi avant, c'est qu'il avait des ordres. Donc c'est Marty qui a secoué le cocotier, c'est bien ça ? Tout à fait. Et vous verrez quelles en sont les conséquences. Donc alors... Tellery, c'est bien ça. Oui. Oui. Donc Tellery va se rendre en Allemagne pour rencontrer Boulanger et lui demander des comptes. En effet. Mais avant se place un curieux incident. Beyer, alors qu'il se rend en voiture à Lyon, est victime d'un étrange accident. Un étrange accident, c'est-à-dire tentative de meurtre ? Bah, ça y ressemble en tout cas. Et notez bien qu'il se rendait à Lyon, là où justement le CMZ avait été décimé par Klaus Barbie. Rendez-vous avec X. Qui était Georges Beyer ? Le beau-frère de Charles Tillon. Dans le seul livre consacré au service B, ouvrage écrit, je vous le rappelle, par Roger Faligot et Rémi Coffer et publié chez Fayard, je relève cette notice biographique. Beyer, Georges, alias Bernard, 1905-1976. Ingénieur chimiste, étudiant à l'école de physique, ingénieur à la saponite. Permanent syndical de la Fédération de la chimie de la CGT, officiellement représentant auprès du Bureau international du travail de Genève. Démobilisé en 1940, rejoint Charles Tillon à Paris, puis commissaire technique santé, armement, renseignement de l'organisation spéciale, puis TFTP. À ce titre, coordinateur du service B. En 1945 jusqu'à 1950, à son éviction du comité central du PC, responsable des problèmes de sécurité. Par ailleurs, les mêmes auteurs écrivent. Georges Beyer est en 1945 membre du comité central du PC, mais en même temps, dans les services du ministère de la guerre, l'adjoint du général Alfred Malraux Joinville. Secondé par des hommes comme Bob Guimpel et Jean-Pierre Vigier, Beyer s'occupe de la section des cadres militaires. Autrement dit, il suit de près les éléments pro-communistes au sein de l'armée et plus généralement les affaires de sécurité touchant le parti aux côtés de Chomeil. Contrairement à la légende, il n'a jamais vraiment cessé de s'occuper de renseignements. Tous les témoignages recueillis concourent à le démontrer. Tel est donc l'homme que Marty charge de faire la lumière sur la trahison de Lyon. L'homme victime d'un accident d'auto, alors que justement, après avoir rencontré Marty, il se rend à Lyon. On a donc cherché à se débarrasser de Beyer, selon vous. En tout cas, ça y ressemble. Et beaucoup de ses proches n'hésiteront pas à dire que Beyer n'aurait pas dû accepter l'enquête que lui a confiée Marty. En tout cas, là, ce faux ou vrai accident n'empêche pas le nommé Toléry d'aller en Allemagne. Oui, il y retrouve sans aucune difficulté l'Alsacien. Celui qui, dans la résistance, se faisait appeler Boulanger. Et qui s'appelle en réalité Aucune importance. Ah bon? Enfin, sachez que cet homme a eu beaucoup de pseudonymes. On l'a appelé aussi le général Berman. Ce qui montre entre parenthèses que ce type n'était pas n'importe qui. Mais vous l'avez sans doute compris. En attendant, sous son vrai nom, Boulanger est adjudant-chef dans un bataillon de chasseurs à pied. Et il cumule cette fonction avec celle d'agent auxiliaire de la Sûreté française en Allemagne. Ça, c'est original. En tout cas, ça veut dire qu'il ne se le cache pas. Ah, pas du tout. Et comment ça se passe avec Toléry, hein? Ce dernier l'informe des soupçons qui pèsent sur lui. Et comment réagit le pseudo Boulanger? Il nie de toutes ses forces. Et Toléry revient en France rapporter ce que lui a dit Boulanger. Bon, enfin, je suppose qu'il n'est pas dupe. Vous voulez dire qu'il ne croit pas aux dénégations de Boulanger? Non, ça j'en suis sûr. Enfin, après tout, ce n'est pas un enquêteur officiel, il agit simplement sur ordre de Marty. Et après donc cet interrogatoire, cette audition, qu'arrive-t-il? Bah, pas grand-chose. La cause est entendue. Manifestement, le Parti communiste français n'a pas envie d'aller plus loin. Seulement, l'affaire va rebondir d'une façon tout à fait inattendue. Allez, racontez. En novembre 1946, la DST arrête un homme de la Gestapo, Johannes Lebert. C'est un ancien inspecteur criminel, mais surtout un spécialiste du renseignement. Et très vite, ce nazi raconte des choses passionnantes. Sur Boulanger? Bien sûr. Et il livre une partie de son pédigré. C'est très édifiant. Est-ce que Boulanger était un agent nazi? Exactement. Lebert affirme que le pseudo Boulanger a été arrêté par la Wehrmacht en 1940. Pour quelle raison? Il était alors mobilisé dans l'armée française et il a été tout simplement fait prisonnier. Mais en tant qu'Alsacien, il est assez vite libéré et revient à Strasbourg. Mais là, les Allemands ne le quittent pas de l'œil, car ils viennent de découvrir que Boulanger est un responsable communiste important. Un homme du Comintern, comme vous me l'avez dit vous-même. Oui, je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect du personnage. Par conséquent, dès cette découverte, Boulanger est à nouveau arrêté, transféré à Berlin, et là, on lui fait des offres de service. Mais de quoi s'agit-il exactement? D'en faire un agent double de la Gestapo. Et il accepte? Oui, et après pas mal de pérégrinations, Boulanger est chargé d'infiltrer la résistance dans la zone sud-est. Et son agent traitant, comme on dit, est ce Johannes Leber? Tout à fait. Mm-hmm. Mais comment Boulanger arrive à infiltrer la résistance à cause de sa qualité d'agent, d'ancien agent du Comintern? Naturellement, il est connu des plus hautes instances du parti. Le Parti communiste qui est alors clandestin. Bien sûr, ouais. Ça veut dire qu'avec l'aide de Moscou, il parvient à se mettre en relation avec l'appareil clandestin du parti. C'est ainsi qu'il est propulsé à l'état-major des FTP dans la zone sud. Ouais. Donc il est toujours en contact avec Moscou. Incontestablement. Et l'une des principales questions qui se pose est celle-ci. Boulanger, gardons-lui toujours son pseudonyme, est bombardé à l'état-major des CMZ des FTP en 1943. Bien sûr, on avait dit, hein, un ordre qui vient du sommet. C'est exact. Or, ce traite ne passe à l'action qu'en mai 1944. Pourquoi? Vous voulez dire, pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Bien sûr, presque un an. Car assez vite, il connaît les dirigeants FTP, puisqu'il en est un lui-même. Donc il peut les dénoncer à ses maîtres allemands, mais non, il attend. Et croyez-moi, il ne s'agit nullement d'un hasard. Qu'assumez-vous, là? Ça, vous le verrez tout à l'heure. Toujours des mystères. Ah, hein? Si on n'en avait pas, est-ce que vous m'écouteriez? Ouais, admettons. Alors, en attendant vos futures révélations, reprenons le cours du récit. Après les confidences de Leber à la DST, Boulanger est menacé, là, sérieusement. Oui, et arrêté dès le mois de décembre 1946. Ah. Et pour les survivants du CMZ, la nouvelle doit être considérable, parce qu'ils savent maintenant, avec certitude, qui a donné leurs camarades. Bien entendu. Et l'une de ces survivantes, cette femme admirable dont je vous ai parlé... Des Manon... Oui, Manon Guimpel, ouais. Oui. Cette jeune femme qui est revenue de déportation un an et demi plus tôt, écrit aussitôt au tribunal militaire de Lyon. Et elle porte plainte contre le pseudo-Boulanger pour haute trahison. Ouais, ça me paraît logique, hein. D'accord, mais ce qui l'est moins, c'est le silence assourdissant de la presse communiste. Et du parti, plus généralement. Parce que la presse communiste ne parle pas de l'affaire. Non. Or, Boulanger, d'après le nazi Lebert, est quand même responsable de l'arrestation et de l'exécution d'une quarantaine de militants FTP de très haut niveau. Or, à la même époque, à longueur de colonne, les journaux communistes ne cessent de réclamer un châtiment exemplaire pour tous les traîtres et les collabos. Mmh. Il existe donc des consignes ? Bah, évidemment. Ce qui n'empêche nullement certains anciens FTP, eux, de réclamer haut et fort justice. Mmh. Mais ces gens-là, là, dont cette Manon Guimpel, hein, ils doivent forcément s'étonner du silence de leurs amis communistes, non ? Certainement. Les plus lucides, en tout cas. Mais que peuvent-ils faire sinon s'adresser à la justice ? Mmh. Et réclamer vengeance ? Oui, mais comme le veut l'époque, ils n'accusent pas le Parti communiste, mais les autorités en place, puisque Boulanger, lorsqu'il a été arrêté, était membre des services de police française. Mmh. D'accord, mais enfin, il est quand même en prison et une enquête doit être diligentée sur ses activités et les actes de trahison dont il s'est rendu coupable. C'est juste, mais ce Boulanger se bat comme un beau diable. Il continue à nier ? Oh, pas tout à fait, non. C'est plus subtil que ça. Boulanger, enfin, ou celui qui se faisait appeler comme ça, joue sur sa nationalité. Allez, il est français, non ? Eh bien, il prétend que non. Né de mère allemande, en territoire allemand, surcroît, il affirme être de nationalité allemande. Bon, qu'est-ce que ça change ? Tout. S'il est allemand, il ne peut être accusé de trahison ou d'intelligence avec l'ennemi. Il a quand même envoyé à la mort ou à la déportation des dizaines de résistants. Ah oui, mais il affirme qu'il l'a fait en tant qu'espion allemand dans le cadre de véritables opérations de police. Et selon la convention de la Haye, qui réglemente le droit international de la guerre, un espion n'est autre qu'un auxiliaire d'une armée en campagne. Ouais, peut-être, mais enfin, ça m'apparaît quand même assez spécieux, non ? Ouais, enfin bon. Mais le résultat de cette bataille juridique, c'est qu'en 1955, Boulanger bénéficie d'un non-lieu. Et après avoir purgé 9 années de prison, il est libéré. Il en est donc quitte avec la justice ? Oui, il regagne l'Allemagne. Ce qui devient ensuite est relativement mystérieux. On le voit à Francfort, puis on le perd de vue, et il est vraisemblable que Boulanger, qui s'appelait aussi autrefois le général Berman, est alors passé en RDA. Ouais, de l'autre côté du rideau de fer. Oui, là où il a commencé sa carrière de militant du Comintern. Un militant qu'il n'a jamais cessé d'être, même quand il feignait de travailler pour la Gestapo. Le pseudo Boulanger était bien un agent double, mais ses vrais maîtres se trouvaient à l'Est, avant comme pendant la guerre. Mais quand il a trahi les FTP, il agissait encore en tant qu'agent communiste ? J'en suis persuadé. Et c'est l'un des grands secrets de toute cette histoire, un secret qui a coûté très cher à tous ceux qui ont essayé de le percer. Rendez-vous avec X. En 1997, Rémy Koffer, l'un des auteurs du livre sur le service B que j'ai déjà cité, a publié un article sur Boulanger dans la revue Historia. Il y donne des détails sur sa carrière au Comintern. Koffer cite le vrai nom de cet agent double, mais comme M. X a choisi de ne pas le révéler, j'ai fait comme lui. Et dans cet extrait que je vais vous lire, j'ai remplacé le vrai nom par ce pseudonyme de Boulanger. Né à Mannheim en 1903 d'un père alsacien et d'une mère allemande, Lucien Wilhelm Boulanger, apprenti puis ouvrier, adhère au communisme dès 1918. Secrétaire technique du comité central du KPD, le PC allemand, il effectue en 1929 un stage comme officier de l'armée rouge à l'académie Lénine de Moscou. En octobre 1932, débute l'existence clandestine de Lucien Boulanger. Responsable du M-Apparat, l'appareil militaire du PC allemand, on le charge de combattre les sections d'assaut nazies. En septembre 1933, après la découverte de son projet d'enlèvement de Hitler, les tankistes, membres d'une cellule communiste, devaient s'assurer du dictateur lors d'une visite dans leur caserne. Il doit fuir en Autriche, puis en Union soviétique. 2 ans plus tard, Boulanger s'installe à Strasbourg. Comme son père, domicilié à Altkirch, il obtient sa réintégration dans la nationalité française. Le voilà, côté cour, rédacteur en chef de l'Humanité d'Alsace et de Lorraine, et côté jardin, organisateur de réseaux relais clandestins du Comintern vers l'Allemagne. La suite, nous en avons parlé avec M. X, c'est donc son arrestation par la Wehrmacht en 1940 et son transfert à Berlin lorsque les nazis découvrent qui il est en réalité. Il faut noter, et c'est un signe important, que le Parti communiste français, pas plus qu'au moment de son arrestation, ne s'est ému de voir Boulanger libéré. Une indifférence suspecte. Significative, en tout cas. Manifestement, le cas Boulanger embarrasse le PCF. Bon, alors venons-en maintenant au fond des choses. Hein, et d'abord, bon, qui sont ces gens qui vont payer à cause du secret qui entoure cette affaire ? Je vous le rappelle, c'est André Marty, le premier qui a essayé de démêler les fils de l'affaire. Oui, sans doute, m'avez-vous dit, pour en tirer un profit personnel, enfin, dans, dans la lutte pour le pouvoir au sein du PCF. C'est clair. Ouais. Il y a pas mal de cadavres dans les placards. Ouais. Donc Marty, lui, a compris ce que dissimulait l'affaire Boulanger. Bien évidemment. Et il a peut-être essayé de s'en servir. Contre les autres dirigeants. Contre certains, en tout cas. Eh bien, en 1951, Marty, qui est pourtant un dirigeant communiste très populaire, une sorte de légende vivante... Ouais, ça c'est vrai. Marty va être victime d'un véritable procès de Prague. Un de ces procès en sorcellerie que les staliniens affectionnaient. Marty, le héros Marty, est non seulement accusé de travail fractionnel, mais il est traité plus bactère. Ouais, je crois même me souvenir qu'on l'accusera d'être un flic, hein, si ma mémoire est bonne. Oui, rien n'est trop sordide pour accabler Marty, qui par ailleurs, je m'empresse de le dire, n'était pas un saint. Ouais, mais enfin... Il ne sera pas le seul à être victime de ce procès stalinien. Vous avez raison. Il entraîne dans sa chute l'autre légendaire mutin de la mer Noire, Charles Tillon. Le chef des FTP en personne, c'est pas rien. Alors observez bien. Première victime, Marty, l'homme qui a essayé de savoir la vérité sur Boulanger. Deuxième victime, Tillon, le chef de ces FTP livré par Boulanger à Klaus Barbie. Tillon qui n'a certainement pas apprécié la passivité de la presse communiste lors de l'arrestation de Boulanger. Et qui savait sans doute lui aussi la vérité. Donc pour vous, il ne s'agit donc pas de coïncidence. Non, non, même si c'est vrai, la direction du Parti communiste français voulait se débarrasser au plus vite de tous ces FTP qui avaient eu une conduite glorieuse pendant la guerre. Et pour quelle raison? Il faut pas oublier que Thorez, lui, avait passé la guerre en URSS. Et ces FTP lui faisaient de l'ombre, à lui et à quelques autres dirigeants qui ne s'étaient pas mouillés sur le terrain. Mais la réalité, c'est que l'affaire Marty-Tillon prend d'abord racine dans le terrible secret de l'agent double, Boulanger. Et des coïncidences, comme vous dites, il y en a d'autres. Qui est l'accusateur de Marty et Tillon? Je vous demande. Georges Béillère. Et Béillère qui était, qui est par ailleurs le beau-frère de Tillon à l'époque. Oui, et l'homme qui a été chargé par Marty d'enquêter sur Boulanger. Béillère accepte de jouer ce rôle parce qu'il est ligoté. Et ligoté, ça veut dire quoi ça? C'est Béillère qui a permis à Boulanger de rejoindre l'état-major des FTP et de la zone sud. Une initiative personnelle? Certainement pas. Béillère qui était, je vous le rappelle, un des chefs du service B a dû obéir à un ordre de Moscou. Enfin, peu importe. Pour le parti, c'est Béillère le responsable. Et à tout moment, on peut l'en accuser. Vous comprenez? Donc Béillère, s'il veut garder sa place au parti et dans ses instances, doit marcher droit. Et se faire témoin de l'accusation lorsqu'on lui demande. Et c'est particulièrement machiavélique de se servir justement de cet homme-là. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas que la direction du parti ne lui sera nullement reconnaissante. C'est-à-dire ? Peu de temps après l'affaire Marty-Tillon, Béillère sera viré du comité central du parti. Et il perdra toutes les fonctions qu'il occupait dans l'appareil. Je vous l'ai dit, il ne faisait pas bon savoir la vérité sur Boulanger. Ce n'est pas tout. Je vous ai dit que Béillère, lorsque Marty lui avait demandé d'enquêter sur Boulanger, avait envoyé sur place un certain Tellery. Ouais, ça je me souviens. Oui. Tellery a rencontré Boulanger. Il a sans doute compris une partie de la vérité. Alors, lui aussi, il faut le faire taire. Mais comment? C'est un dossier que je connais particulièrement bien parce que les services ont été impliqués dans cette histoire. Les services là, lesquels? La DST, l'instigation des services de sécurité du PC, le contre-espionnage, a monté une véritable machination contre cet homme. Quelle machination exactement? Tellery, comme beaucoup d'autres anciens FTP, nourrissait une grande admiration pour les partisans yougoslaves de Tito. Et il avait très mal accepté la condamnation de Tito par Staline, alors que le PCF, au contraire, s'était purement et simplement aligné sur la position soviétique. Alors on a décidé de faire coup double. Coup double? Oui, on s'est débarrassé d'un contestataire et d'un homme qui savait la vérité sur l'affaire Boulanger. Mais qu'a fait la DST dans cette histoire? Elle a été informée par les services de sécurité du Parti communiste que Tellery entretenait des rapports discrets avec des agents communistes yougoslaves présents sur le territoire français. De là à imaginer une activité d'espionnage, il n'y avait pas loin. Et Tellery a donc été effectivement arrêté? Oui, il a été convaincu d'intelligence avec des agents yougoslaves et condamné à 5 ans de prison. Une nouvelle fois, un homme qui connaissait l'affaire Boulanger était frappé. Admettons, mais je vous le demande, à nouveau, que se cache-t-il derrière tout cela? Là, il faut se replacer dans le contexte de 1944. En juin, les Alliés débarquent. La résistance et au premier chef la direction des FTP brûlent de déclencher l'insurrection nationale afin de chasser l'occupant au plus tôt. Mais ça ne fait pas l'affaire de Staline. Ah bon, pourquoi? Le maître du Kremlin sait parfaitement que le partage de l'Europe va se faire sur la base des avancées militaires des différentes armées. L'armée rouge est à l'est donc et les anglo-saxons à l'ouest. Oui, hein. C'est une véritable course de vitesse. Par conséquent, pour lui, il est essentiel que ses troupes arrivent les premières. À Berlin, par exemple. C'est ce qui se fera d'ailleurs. Oui, donc de ce point de vue, tout ce qui peut retarder les autres est le bienvenu. Et tout ce qui peut permettre de favoriser leur avance doit être combattu. Ouais. Vous voulez dire que Staline aurait donc souhaité que les résistants communistes ne participent pas à la lutte armée contre les nazis? C'est la vérité. Parce qu'en déclenchant l'insurrection, il risquait d'aider les armées alliées à avancer plus vite qu'il ne le désirait lui-même. Et on sait que dans certaines régions, effectivement, la résistance va donner un sacré coup de main aux alliés. Malgré Staline, si je vous comprends bien. Malgré lui, oui. Ouais. Des hommes comme Tillon ou Guingouin dans le Limousin vont rouler dans les brancards et se lancer dans la bagarre. Mais ils le font contre les ordres venus de Moscou. désordre naturellement relayé par certains dirigeants communistes, les mêmes qui, plus tard, instruiront le dossier d'accusation contre Tillon et Marty. Bon, je veux bien vous suivre, mais Boulanger, vous ne voulez quand même pas dire que... Concluez vous-même. Boulanger, je vous l'ai dit, malgré ses contacts avec la Gestapo et Klaus Barbie, est resté un agent du Comintern. Or, en mai 1944, 3 semaines avant le débarquement, il dénonce ses camarades et permet l'élimination de tout l'état-major FTP de la zone sud. Moi, ça me paraît clair, non? Mais c'est abominable. Abominable, oui. Des communistes trahis par d'autres communistes. Alors vous comprenez maintenant pourquoi il fallait à tout prix préserver ce sinistre secret. L'un des principaux historiens du Parti communiste, Philippe Robrieux, affirme que Moscou avait demandé à Jacques Duclos, véritable patron de l'appareil en l'absence de Maurice Thorez, de ne pas engager le parti dans le déclenchement de l'insurrection. Il note aussi que ce même Duclos, au début du mois d'août 1944, laissera sans réponse un message de Charles Tillon le pressant de susciter cette insurrection. Et justement, à propos de Tillon, j'ai trouvé dans son autobiographie Enchanté Rouge, publiée en 1977 chez Robert Laffont, un passage assez curieux qui donne un poids supplémentaire à la thèse de M. X. L'ancien chef FTP parle des semaines qui précèdent la libération. Je lis. Je dois dire enfin qu'à l'approche des grands événements prévus, nous éprouvions des difficultés en zone sud en raison des résistances des principaux responsables du PC, Mauvais et Guyot, dont la mise en pratique par le comité des FTP Zone Sud des directives du comité militaire national pour la préparation de l'insurrection nationale. Certes, le commandant du CMZ, le faible Jacquot, se déclarait d'accord et de bonne volonté à chacune de nos entrevues. Je savais que Guyot avait été parachuté en France fin 1943. Mais comment me serais-je douté de quelle grave mission il était chargé, puisque porteur d'un message pour Duclos qui justifiait l'importance du voyage? Le conseil donné par Staline était de réduire au minimum le rôle militaire du parti dans l'insurrection nationale, en laissant les alliés assurer au maximum les combats pour la pacification du territoire. Un souci sur lequel je n'aurai que bien plus tard une explication véritable. De quelle grave mission était donc chargé Raymond Guyot? Y avait-il un rapport avec Boulanger et le démantèlement du CMZ par Klaus Barbie? Et l'agent du Comintern Boulanger n'aurait-il fait qu'obéir à Staline en livrant l'état-major FTP de la zone sud, comme semble le penser M. X? Dans le livre de Coffert et Faligo sur le service B, je relève encore que ces auteurs se posent les mêmes questions. Je les cite à nouveau. En livrant ses anciens camarades, Boulanger a-t-il agi seulement sur ordre de son officier traitant de la Gestapo, Johannes Leber, ou sous l'influence d'une autre force? L'ancien clandestin du Comintern fut-il vraiment retourné par la Gestapo ou continuait-il sous les apparences d'un agent allemand d'œuvré pour ses premiers maîtres? Est-il concevable qu'on ait délibérément provoqué la chute du CMZ?